ma lampe halogène. Si tu veux en finir, entre dans l'abat-jour, sinon il faut t'enfuir. Cet endroit est un four, le soleil angora sur son cheval d'azur ne tardera plus à réchauffer tes nervures. Un sauveteur de papillons, voilà c'est tout ce que je suis. À défaut d'écrire des chansons, je fais quelque chose de mes nuits. Trop content de trouver un soleil noctambule, ils viennent se suicider, je les entends qui brûlent. Au moindre battement d'ailes, j'arrête d'écrire, j'interviens et souvent on évite le pire. Mais pourquoi ces idiots mettent-ils tant de zèle à gravir l'échafaud pour y cramer leurs ailes? Un sauveteur de papillons, voilà c'est tout ce que je suis. À défaut de gagner des ronds, j'ai trouvé un sens à ma vie. Si j'avais dans le dos ces ailes merveilleuses peintes par Picasso, Van Gogh ou Nadifeuse, je n'irais pas comme ça foutre ma vie en l'air pour un soleil de bas étage, un lampadaire. Icare avec la cire était plus ambitieux, il est mort pour cueillir un joli citron bleu. Un sauveteur de papillons, voilà c'est tout ce que je suis. À défaut d'avoir du piston, je joue ma place au paradis. Maudit lépidoptère, vous avez fait de moi le bourreau de vos pères, je porte votre croix. Ma conscience m'abjure de cesser ces pratiques, de jeter aux ordures mon soleil électrique, d'éteindre mon ampoule, me coucher comme les poules et compter les moutons au lieu des papillons. Un naufrageur de papillons, voilà c'est tout ce que je suis. Je finirai cette chanson, et tant pis pour les macarons, et tant pis pour le paradis. Il faut faire des choix dans la vie.